le soleil nous guidant sur cette route sans fin. Quelle magique nous nous sentons ce matin. On est jeune et on est curieux et libre. Chaye gurudam galai tirugudam chukai velugudam mabbai vetukudam manalo bunna mana kadani manake telupu ee journey oka cup time e slow ga sip chey mari one sec hold on life need love chey mari e baba de riding away, la baba dead, crazy and brave. Oka cup time is low gossip chamber.